Chapitre 7e, le bahut de la morte. L'évanouissement de Ben Ismaïl dura peu, et lorsqu'il reprit ses sens, il parut étonné de voir une personne dont le visage lui était étranger qui s'entretenait à voix basse avec le docteur Cavarox. « Miss Colfax est aussi de vos amis, » lui dit celui-ci en désignant Flavia. L'imam sourit, sans toutefois se rendre compte du sens des paroles du docteur, puis il tomba dans la méditation. Au bout de quelques instants, il releva la tête et son visage s'éclaira. « Je me souviens, » dit-il, et s'adressant à Cavarox. « Vous avez prononcé tout à l'heure le nom d'Irène, n'est-ce pas ?» Cavarox réfléchit avant de répondre. Tout lui démontrait que l'apprentie de Madame Renaud était la fille de l'imam, mais il était possible aussi que la véritable Irène fût morte, et que celle dont le baron Walker voulait faire sa femme fût une étrangère substituée dans un but criminel à l'enfant de Ben Ismaïl. D'un autre côté, si ce titre de petite princesse donné à Irène plaidait en sa faveur, cette qualification pouvait également avoir été fabriquée par le baron dans l'intérêt de l'accomplissement de ses desseins ténébreux. Enfin, et lors même que les preuves irréfragables eussent établi que Ben Ismaïl était bien le père de l'enfant qu'avait élevé Olga, n'était-il pas à craindre que le cerveau du vieillard, affaibli par un poison lent, n'eût pas la force de supporter la joie de savoir sa fille vivante? Ces diverses raisons étaient de nature à donner à réfléchir au docteur Cavarox. « Irène, répondit-il en jouant l'étonnement, je ne connais personne qui porte ce nom. « Ah, j'avais cru entendre, je me serais trompé, » murmura tristement l'imam. « Ah, ma tête, ma pauvre tête !» Le docteur lui prit le bras et l'emmena faire un tour de jardin. Ben Ismaïl, tant que dura cette promenade, demeura silencieux. Replié sur lui-même, il songeait. À quoi songeait-il ? Au passé, sans doute, à sa femme morte et à sa fille disparue. Rentré dans sa chambre, il ne toucha point au mets apporté pour son déjeuner. Il songeait toujours. Pendant ce temps, Cavarox racontait Miss Colfax l'entretien qu'il venait d'avoir avec Ben Ismaïl. « Rien de plus facile que d'éclairer nos doutes, » dit Flavia quand il eut achevé. « C'est de les mettre tous deux en présence. »« J'y ai pensé, » répondit le docteur. « Mais cette entrevue est impossible pour le moment. » L'état de mon pensionnaire exige encore de grands ménagements, et Irène n'est pas suffisamment rétablie. Quand croyez-vous qu'elle puisse avoir lieu? Dans une dizaine de jours. Soit, dans une dizaine de jours, répliqua Miss Colfax en se retirant. Les 10 jours fixés par le docteur Cavarox s'étaient écoulés. Ils avaient été marqués par un événement qui, bien que d'une importance relativement secondaire, mérite cependant d'être mentionné. Le jeune duc de Vallombreuse avait reçu de New York une lettre dans laquelle ses sœurs lui racontaient tout au long comment leur mari, à la veille de se savoir ruiné et atteint dans leur honneur, avait dû leur salut à la généreuse intervention de Miss Colfax. Le premier mouvement d'Octave à cette nouvelle inattendue avait été un mouvement de colère mêlé de honte. Le cœur du fils et l'orgueil du gentilhomme se trouvaient tout à la fois blessés du service éminent rendu par l'ancienne institutrice de ses sœurs, par cette Flavia, dont la haine, qu'elle fût légitime ou non, avait, dans sa pensée, dû contribuer à la mort de la duchesse de Vallombreuse. Toutefois, devant ces paroles d'Ève et de Marcel, Flavia a été notre providence. Sans elle, Maurice et Amaury eussent été ruinés, déshonorés, et à cette heure, tes pauvres sœurs seraient sans doute veuves. Il avait senti peu à peu la colère céder et la reconnaissance pénétrer dans son cœur loyal. C'était un premier pas de fait vers le commencement du pardon. Le second suivit presque immédiatement. Un matin, le jeune officier, en se rendant selon son habitude auprès d'Irène, la trouva debout, le visage rayonnant. Sa pâleur avait disparu, et ses joues qui se coloraient indiquaient son prochain retour à la santé. Lorsque l'heure de la séparation fut arrivée, la marchande de fleurs le prit à part et lui dit en souriant « Eh bien, monsieur l'infidèle, le mal que vous avez causé est réparé, cette chère enfant est complètement rétablie. » « Grâce à vous, ma bonne madame Renaud, » répondit Octave en lui pressant chaleureusement les mains. « Grâce surtout à Miss Colfax, » reprit vivement la digne femme. Et comme le jeune duc paraissait surpris des paroles qu'il entendait, elle ajouta « C'est vrai. Vous ignorez ce qu'a fait Miss Colfax. Son dévouement était celui d'une sœur de charité. Pendant 27 nuits, elle est venue s'asseoir au chevet du lit d'Irène. C'était elle qui la veillait. Pendant ses accès de délire, elle ne l'a pas quittée une seule minute. Et lorsque la voyant près de tomber d'épuisement, je voulais la remplacer, elle me repoussait doucement et me disait « Ce n'est pas la première fois que je fais le métier de garde-malade. J'en ai soigné bien d'autres que j'ai sauvés, et je veux sauver cette pauvre chère enfant. Tant qu'elle ne sera pas hors de danger, ces nuits m'appartiendront. Et si le sommeil veut me prendre, soyez sans inquiétude, je saurai bien le vaincre. Et savez-vous ce qu'elle faisait pour s'empêcher de dormir ? Continua Madame Renaud. Elle se trempait la tête dans de l'eau glacée, au risque d'en mourir. Voilà, Monsieur Octave, comment Miss Colfax s'est conduite. Pendant 27 nuits, elle n'a pas dormi une seule minute. C'est elle, je vous l'ai dit moi, elle bien plus que le médecin, si savant qu'il soit, qui a sauvé Irène de la mort, et j'ajouterai qu'une pareille femme, c'est un ange, et qu'on devrait se mettre à genoux devant elle et baiser la trace de ses pas. Octave, qui ignorait l'admirable dévouement de Flavia, se sentit tellement ému de ce que Madame Renaud venait de lui apprendre qu'il ne put proférer un seul mot, et il sortit brusquement. Quelques instants plus tard, il se présentait chez Miss Colfax et il demandait à lui parler. Flavia, en entendant annoncer le jeune duc, ne put se défendre, comme autrefois, lorsque Marseillais était venu à l'Hôtel-Dieu, d'un vague sentiment de crainte. Que lui voulait Octave ? Allait-il lui jeter à la face son passé criminel ? Ce passé qu'elle s'efforçait de racheter par tous les moyens en son pouvoir ? Octave, introduit auprès d'elle, s'approcha lentement, comme si une dernière lutte se livrait dans son âme, puis, quand il le rejoint, « Je sais tout ce que vous avez fait pour mes sœurs et pour Irène, » lui dit-il, « et cela rachète bien des choses. » Un cri de joie sortit de la bouche de Miss Colfax et en même temps, ses yeux s'emplirent de larmes. « Je puis donc espérer que vous pardonnerez un jour » murmura-t-elle avec un regard qui semblait l'implorer. Le jeune duc de Valombreuse eut un moment d'hésitation, mais, désarmé enfin et vaincu par l'attitude suppliante de Flavia, il avança la main. Miss Colfax se précipita dessus, la porta à ses lèvres et la couvrit de baisers et de larmes brûlantes. Le lendemain, Irène, Octave et Madame Renaud prenaient place à côté de Flavia dans un élégant équipage. Ils se rendaient à la villa du docteur Cavaroux. Irène était vêtue d'un riche costume oriental. Les nattes épaisses de sa chevelure brune retombant sur ses épaules faisaient ressortir les broderies de son corsage où l'éclat de l'or se mêlait au feu des pierres précieuses. Sa croix grecque pendait en sautoir à son cou. Ainsi parée, elle était incomparablement belle. Miss Colfax, qui avait voulu présider elle-même à sa toilette, s'était bien gardée de la mettre dans la confidence de son projet. Aux diverses questions qu'Irène lui avait adressées, elle s'était bornée à lui répondre « Plus tard, vous saurez tout ». Au coup de cloche qui annonçait l'arrivée de ses visiteurs, Cavaroux accourut. Il offrit galamment la main à Flavia, ensuite à Irène et à Madame Renaud, et il les conduisit dans un petit cabinet donnant sur le salon. Octave les avait suivis. « Est-ce donc ici qu'aura lieu l'entrevue ?» demanda tout bas Miss Colfax au docteur. « Non, » répondit-il également à voix basse, « la présence de personnes qui lui sont inconnues pourrait nuire à l'effet que j'attends. Il importe qu'il se trouve seul avec elle. Du reste, vous ne perdrez rien de ce qui va se passer. J'ai arrangé ma mise en scène. De la porte vitrée du cabinet où nous sommes, vous pourrez tout voir et tout entendre. » Il quitta alors Miss Colfax et entra dans le salon, dont il ferma la porte derrière lui. Irène, sans rien comprendre encore, paraissait vivement intriguée. Elle pressentait vaguement qu'il se préparait quelque chose d'important et qu'elle était appelée à y jouer un rôle. Le docteur Cavaroux reparut au bout de 5 ou 6 minutes et, prenant la jeune fille par la main, « Venez avec moi, ma chère enfant. » Irène, de plus en plus intriguée, le suivit en silence. Avant d'entrer avec elle au salon, jetons un coup d'œil dedans. Les fenêtres avaient été fermées afin d'éteindre les plus légers bruits qui auraient pu venir du dehors, mais en même temps, les rideaux avaient été tout grands ouverts pour laisser pénétrer la lumière à plein flot. Ben Ismaïl était assis sur un divan faisant face à la porte. Il portait le magnifique costume des princes orientaux et sa barbe blanche, qui descendait sur sa poitrine, faisait ressortir la noblesse de son mâle visage. Au bruit que fit la porte en s'ouvrant et en se refermant, il tourna ses regards de ce côté, puis, en voyant Irène, il tressaillit et se dressa tout debout. Irène, elle aussi, à la vue du vieillard, tressaillit et poussa une exclamation de surprise. Le naïb, immobile, les yeux fixes et agrandis par une émotion sans nom, la regardait toujours. « Les morts reviennent donc ?» murmura-t-il enfin. il s'appuya sur le divan pour ne pas tomber et reprit. « Oui, c'est elle, elle que j'ai tant pleuré. C'est ma femme bien-aimée. » Cependant, une violente agitation soulevait la poitrine d'Irène. Ce vieillard, qui ne pouvait détacher d'elle ses yeux, les paroles étranges qu'il venait de prononcer dans une langue qu'elle avait parlée étant tout enfant et qu'elle n'avait point désapprise, le riche costume asiatique qu'il portait, que signifiait tout cela? Pourquoi l'avait-on laissé seule avec cet homme, et quel était-il? Tels étaient les points d'interrogation qu'elle se posait tour à tour. Ben Ismaïl tout à coup sortit de son immobilité. Il venait d'apercevoir la croix grecque ornée de pierreries suspendues au cou de la jeune fille. Il jeta un grand cri, puis il voulut parler, mais sa voix s'arrêta dans sa gorge. Alors il s'élança vers elle, la prit dans ses bras et la couvrit de baisers. Irène, vivement émue, ne chercha point à se soustraire à ses embrassements. Une voix secrète lui disait-elle que le vieillard n'était pas un étranger pour elle. Après quelques instants de silence, Ben Ismaïl recouvra la parole. « Ma fille, mon enfant, mon Irène » dit-il. « Vivante, tu es vivante ?»« Votre fille, moi ?» s'écria Irène palpitante. « Ah, si ton cœur ne te le dit pas, » reprit le naïb, « ma joie et mes baisers doivent te l'apprendre. »« Oui, mon Irène, car tu t'appelles Irène, n'est-ce pas ?»« Oui, tu es bien ma fille, cet enfant que j'avais cru morte et que le ciel me rend lorsque je ne croyais plus la revoir. » Nous n'essaierons pas de retracer la scène qui suivit. D'abord, ce fut un échange entre le père et la fille, de mots sans suite, de mots entrecoupés de larmes d'ivresse. Ben Ismaïl avait pris Irène sur ses genoux comme autrefois, alors qu'elle n'était qu'une enfant, et il ne pouvait se lasser de la regarder, de la contempler, et l'embrassait avec délire ses mains, son front, ses yeux. Il s'interrompit un moment au milieu de ses caresses. « Ah, tu es l'image vivante de ta mère !» murmura-t-il d'une voix dans laquelle une immense joie se mêlait à une profonde tristesse. « Oui, c'est sa taille, son regard, sa voix et son sourire charmant. Si Dieu me l'a enlevé, il réservait du moins ma vieillesse la consolation de la retrouver en toi. Que Dieu soit béni !» Lorsque leurs transports se furent calmés, vinrent les confidences. Ben Ismaïl voulut connaître, jusque dans ses moindres détails, quelle avait été la vie d'Irène depuis leur séparation. Il lui raconta sa seconde enfance passée auprès d'Olga, puis comment, à la mort de celle-ci, poussée au désespoir par les persécutions de Walker, elle avait cherché la délivrance dans le suicide et comment Octave l'avait arrachée mourante au flot qui s'était refermé sur elle. Ensuite, elle parla du jeune avocat qui, sans la connaître, s'était généreusement constitué son protecteur, de Madame Renaud, près de laquelle elle avait trouvé une mère, de Miss Colfax, et de son dévouement sans borne, et enfin, de l'amour que lui portait son sauveur. Une rougeur involontaire monta à ses joues lorsqu'elle fit cet aveu. Ben Ismaïl, à qui cette rougeur n'avait point échappé, lui prit doucement la main. « Et toi, mon enfant ?» lui demanda-t-il avec un sourire. « Tu l'aimes sans doute ?»« Je l'aime, mon père, » répondit Irène en baissant les yeux. « Et ce jeune homme, as-tu dit, porte un grand nom ? C'est un duc, et son nom compte parmi les plus illustres de son pays. »« Ah, Dieu sait bien ce qu'il fait, » répliqua le naïb. « Comment cela, mon père ? Vos cœurs, en se rapprochant, avaient pressenti qu'ils étaient dignes l'un de l'autre. Si celui que tu aimes est un duc, son amour, en se reportant sur toi, n'a pas dérogé. Car ton origine ne le cède en rien à la sienne. Tu es la fille d'un prince d'Orient. » « Un prince, vous, mon père ?»« Je suis le successeur de Chamil, » répondit le naïb en redressant avec fierté sa belle tête. « Maintenant que tu m'es rendu, mon enfant, si Dieu me donne vie et force, j'achèverai l'œuvre de notre indépendance, et un jour ton mari héritera de moi du pouvoir suprême. » Il s'arrêta alors. Un souvenir venait de traverser sa mémoire. « Tu as conservé bien précieusement mon anneau, » demanda-t-il à Irène. « Quel anneau ?» répondit la jeune fille. « L'anneau d'or de Chamil. »« Le seul bijou que je possède est cette croix qui me vient de ma mère. »« Comment ? Olga, avant de mourir, ne t'a pas remis l'anneau que je lui avais confié, ainsi que l'acte qui établit que tu es ma fille ?»« Non, mon père. » »« Et elle ne t'a jamais appris qu'il fût sans son pouvoir ?»« Jamais. » »« Voyons, interroge tes souvenirs. Peut-être y trouverai-je un indice quelconque. » La seule chose dont je me souvienne, dit Irène, c'est que près de rendre le dernier soupir, Olga voulait me révéler un secret. Mais elle n'en eut pas le temps. Et ses dernières paroles furent de me recommander de conserver précieusement un vieux bahut en chêne. « Ne t'en sépare jamais, me dit-elle, le secret de ta naissance. » Elle ne put achever, elle était morte. « Et ce bahut ? » demanda vivement le naïb. « Il est dans ma chambre. » « Alors l'anneau et l'acte doivent se trouver dedans. »« Hélas, mon père, on l'a visité en tous sens, on n'a rien trouvé. »« C'est qu'on aura mal cherché. Tu me conduiras à ta chambre. Je serai plus heureux sans doute. » Mais auparavant, j'ai un devoir à remplir, un devoir de reconnaissance. Je veux voir tes amis, tes protecteurs, et les remercier de ce qu'ils ont fait pour toi. Je veux surtout connaître celui que ton cœur a choisi pour époux. Ils sont tous là, à côté de nous, mon père, répondit Irène en désignant le cabinet dans lequel elle avait laissé Miss Colfax, le docteur Cavarox, Madame Renaud et Octave de Valombreuse. Eh bien, rejoignons-lui, répliqua Ben Ismaïl en s'appuyant sur le bras de sa fille. Le lendemain, sur le coup de 2 heures, le naïb, vêtu d'un simple caftan, descendait de la voiture du docteur Cavarox, se faisait conduire à la chambre d'Irène, puis il congédiait tout le monde. Il avait voulu être seul pour ce qu'il allait faire. Il commença par rouler le bahut au milieu de la pièce, puis l'enleva les tiroirs les uns après les autres et sonda minutieusement l'intérieur du meuble. Cet examen n'amena aucune découverte, car une expression de désappointement se peignit sur son visage. Il prit alors un ciseau et un marteau dont il avait soin de se munir, et il attaqua lentement, avec précaution, le bahut dans sa partie supérieure. Un morceau s'en détacha, puis un autre. Lorsque cette partie eut été brisée, il poursuivit son œuvre de destruction jusqu'à ce qu'il atteint la partie inférieure, c'est-à-dire les 4 colonnettes cannelées sculptées qui formaient les pieds du vieux meuble de chêne. Pendant qu'il achevait de fondre la 4e colonnette, un objet brillant s'en détacha et tomba sur le parquet avec un petit bruit métallique. Il se baissa pour le ramasser et poussa un cri de joie. L'objet qui avait roulé à terre était un large anneau d'or sur lequel on voyait une inscription gravée en caractères orientaux. Il se précipita hors de la chambre, descendit rapidement l'escalier et entra tout haletant dans le petit salon où Irène et Madame Renaud attendaient son retour avec une vive anxiété. « Eh bien ?» lui demandèrent-elles simultanément. « L'anneau de Chamille !» répondit-il en l'agitant en l'air avec un geste de triomphe. La joie qu'avait ressentie tout d'abord Irène fut traversée presque aussitôt par une pensée douloureuse. « Cet anneau vous fait souverain de notre pays, mon père, » dit-elle. « Mais il ne démontrera pas que je suis votre fille. » Le naïb pâlit. « Dans mon orgueil, » répondit-il, « je n'avais pensé qu'à moi. Je t'avais oublié, ma pauvre chère. L'acte qui prouve que tu es mon enfant et que j'avais remis à Olga avec l'anneau, je ne l'ai pas trouvé dans le bahut. Qu'en a-t-elle fait? Que peut-il être devenu ?»« Ah, Meva, » ajouta-t-il en l'attirant sur son cœur, « sèche tes larmes. Dieu ne nous abandonnera pas. Il ne voudra pas laisser son œuvre inachevée. Et de même qu'il m'a rendu le signe révélateur de ma toute-puissance, il te fera recouvrer l'acte qui constate que tu es bien ma fille. » « Oui, oui, » répliqua Irène en passant ses bras autour du cou du vieillard. « Et à défaut de cette preuve, n'aurais-je pas un bien 1000 fois plus précieux, l'amour de mon père, votre amour, que personne au monde ne pourra m'enlever ?» Cette journée devait finir comme elle avait commencé, par un événement inattendu. Miss Colfax était sans nouvelles de Maître Maxou depuis le télégramme dans lequel il avait appris sa victoire emportée sur le baron Walker, et ce silence l'inquiétait. Pourquoi ne lui écrivait-il pas? Le baron a-t-il pris sa revanche de sa défaite première? Elle en était là de ses réflexions lorsque le vieux William s'accourut auprès d'elle. « Miss, lui dit-il, Monsieur Maxou demande si vous pouvez le recevoir. Lui fit-elle avec une explosion de joie. Elle se leva vivement et courut au-devant du jeune avocat les mains tendues. « Votre retour, mon ami, lui dit-elle, outre le plaisir qu'il me cause, m'annonce que vous avez complètement réussi dans votre mission. Vos protégés d'Amérique n'ont plus à redouter les embûches de Walker, répondit Maxou. S'il n'est pas mort à 7 heures, il n'en vaut guère mieux. Ainsi que je vous l'écris, le vicomte de Kerlusset et le baron de Lavernay, grâce aux millions, sont en train de reconstituer leur fortune et je vous apporte quelque chose de mieux que cette heureuse nouvelle. Je vous apporte leur reconnaissance et leur pardon. Que Dieu soit béni, et vous aussi, mon ami, répliqua Flavia, les yeux humides de larmes, car cette réconciliation, si longtemps souhaitée, est votre ouvrage. Merci, merci encore et toujours. Après une douloureuse absence, repartit l'avocat, je vous revois, je vous retrouve, et c'est ma plus douce récompense. Puis il ajouta, en la contemplant avec une sorte d'ivresse, si je ne craignais point de passer pour un flatteur, je vous dirais que vous êtes plus belle encore que lorsque je vous ai quittée. Le bonheur, fit Miss Colfax, vraiment. Mais que s'est-il donc passé depuis mon départ? Oh, beaucoup de choses. Lesquelles? Le pauvre fou a recouvré la raison. Pas possible. Ce n'est pas tout. Irène est sa fille. Ah! Et ce titre de princesse que lui donnait Olga, eh bien, c'est le sien. Elle, princesse. Et avant un mois, elle sera la femme d'Octave de Vallombreuse que nous avons retrouvée et qui lui aussi m'a pardonné. Ce que vous m'apprenez là, vous m'envoyez tout stupéfait. Venez demain, mon ami, et vous trouverez le père et l'enfant installés chez moi dans un appartement que je leur fais préparer. C'est bien le moins, n'est-ce pas, que je donne l'hospitalité à un prince d'Orient et à sa fille. Tout cela, en vérité, est si étrange que je crois rêver. Et que vous faut-il, monsieur l'incrédule, pour vous prouver que vous ne rêvez pas? Répliqua Flavia, avec son sourire le plus charmant. « Une seule chose, répondit maître Maxou, et cette chose, c'est de me donner votre main à baiser. Tenez, fit la jeune femme en posant sa blanche et mignonne main sous les lèvres de l'avocat. »